Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bon matin, chers amis, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 93. J'espère que tout le monde va bien. On est jeudi le 10 février. Ah, il est 9h45. Je vais partir ça avec une petite gorgée de café dans ma tasse Intellivision et mon t-shirt Intellivision que je porte fièrement. On va en reparler tantôt. Ah, non, on va parler tout de suite. Tiens, pourquoi pas? Dans le désordre, n'importe quoi. J'ai des notes là, de ce que je vais parler aujourd'hui. C'est passé plein d'affaires. Mais, pas toutes reliées aux jeux vidéo, là, bien sûr, mais tu sais, hein, moi j'aime ça jaser. Fait que, ouais. Il y a un article de Ars Technica qui est sorti, et puis c'est un article qui met blanc, noir sur blanc, là où est-ce que Intellivision sont rendus, parce qu'ils ont annoncé une quatrième campagne de socio-financement, Intellivision, pour aller chercher encore de l'argent. Et puis, ce que cet article-là semble, je ne l'ai pas lu au complet, et puis j'ai surtout écouté le CEO podcast de Pat Country, où est-ce que, bien sûr, eux, anyway, font un excellent, très grand résumé de ça. C'est très bien. Et puis, en gros, la compagnie va très mal. Ils ont plus une crise de scène. S'ils font rien, là, ils sont à zéro capital d'ici 2 mois. S'ils ramassent genre 10 millions, je me rappelle pas quoi, dans quelques mois, ça serait même pas assez pour garder la compagnie vivante pendant 1 an. Bref, c'est la cata. Là, je vous dis, tu sais, comme, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? C'est toute là la question. Puis, j'ai joint un groupe à la télévision que je ne connaissais pas, rien que pour le fun, tu sais. Et puis, je vais vous dire comment il s'appelle, ce beau groupe à la télévision-là. Parce que depuis que je l'ai joint, je vois 1000 affaires passer. Intellivision Amico Club. Donc, c'est un groupe Facebook de gens qui sont juste des gens heureux, tu sais, de l'amico qui s'en vient. Puis ça, c'est parfait. Ça devrait être ça, Facebook. Mais là, bien sûr, mais là, je ne savais pas que ce groupe-là existait. Fait que, tu sais, pendant des années, ce groupe-là, est comme, il circle jerk sur l'amico, puis ils sont comme, ah, ça s'en vient, ah, oh, tellement hâte. Puis il y a un autre groupe Facebook qui s'appelle Intellivision Invasion, dans lequel, que je consultais beaucoup, dans lequel Tommy Tallarico, il intervenait beaucoup. Puis Tommy Tallarico intervenait aussi beaucoup sur Atari Age dans une section Intellivision Amico, je sais pas quoi. Ça, je suis pas allé voir ça, mais je suis au courant. Et puis, Tommy a juste comme arrêté d'être aux deux places. Mais là, il intervient encore dans ce groupe club-là d'Intellivision, à ce que je vois. Donc, c'est vraiment un groupe de gens là, en pamoison, tu sais, vendus Tommy, man, puis c'est incroyable de voir comment est-ce que ces gens-là ont la tête dans le sable, puis qu'ils disent tout ça, c'est fake news, il n'y a rien de vrai là-dedans, alors que toutes les infos qui sont sorties, c'est des infos véritables, c'est des informations qui sont publiques, tu sais, c'est des informations légales, tu sais, qui doivent être divulguées pour faire du financement ou whatever, tu sais, fait qu'en tout cas, tout ça est legit, tu sais, mais eux autres, c'est du fake news, tu sais, ça sonne très Trump, tout ça. D'ailleurs, j'ai même pas dit, mais c'est ça le clou, en fait, c'est ça qui a tout starté, cette shit show-là, c'est que Tommy Tallarico n'est plus CEO d'Intellivision. C'est un autre dude, Adam, j'ai oublié son nom, là, mais c'est un gars qui était dans la compagnie encore, puis ça va rien changer, mais c'est juste qu'il sera plus tant le visage de la compagnie, mais d'après ce qu'il dit, il continue à prendre des grosses décisions en même temps avec la nouvelle personne, tu sais. Fait que là, je sais pas ce qui s'est passé, c'est comme le board des actionnaires d'Intellivision, ils ont dit là, Tommy, tabarnak, ça fonctionne plus, tu sais. Il y a faut que tu t'en ailles, là, tu sais, c'est décent, tu sais, on va s'en occuper. Ou il y a des gens qui disent que. Puis l'article dit que peut-être c'est parce que Tommy voulait focusser plus sur son Video Game Live qui arrive bientôt. Il y a un show qui arrive de Video Game Live. C'est ça que Tommy a inventé ça, lui, Video Game Live. Et puis, peut-être c'est ça, peut-être qu'il y a whatever. Mais en tout cas, le move de descendre Tommy en tant que visage d'Intellivision, il est arrivé ben trop tard. Et puis, de ce qu'on comprend, de ce qui est expliqué dans le CEO podcast, puis eux, ils ont analysé toutes les informations, c'est l'entreprise, des mauvaises décisions sur des mauvaises décisions, puis il y a une décision importante qui a été prise dernièrement pour un prêt à un investisseur, tu sais, puis cet investisseur-là a prêté de l'argent, mais il a demandé aussi qu'il y ait 100$ par console vendue qui lui revienne, puis tout l'argent doit être revenu, puis tout ça, puis c'est comme un prêt, c'est impossible, tu sais, que la télévision soit capable de générer assez de ventes, puis d'assez de profits pour repayer ce massif prêt-là de ce gars-là, tu sais, c'est terminé, tu sais, ça... Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont plus d'argent, ils sont saignés, là, tu sais. Fait que c'est pour ça une nouvelle campagne de financement. Et puis, moi, quand ils ont annoncé le Founders Edition, moi, j'ai précommandé ça, tu sais. Et puis, Tommy disait, on peut canceller en tout temps, il n'y a aucun problème. Fait que, tu sais, le Founders Edition a comme été la base, tu sais, de tout l'argent que Intellivision a commencé à avoir pour faire live le project. Le projet, tu sais. Le projet existe. Puis ça, c'est correct, tu sais. Je veux dire, t'as pas d'argent, t'as une idée, tu crois en ton idée, t'es comme, on va lancer le truc. Là, tu reçois du love, puis de l'argent de la part du public qui croit en ton projet. Parfait. Tu prends cet argent-là, tu le réinvestis dans ton projet pour l'amener au prochain step. Moi, je trouve que tout ça fait du sens, tu sais. Là où est-ce que ça fait pas de sens, c'est qu'il y a des gens là-dessus, dont Tommy, qui se paye quand même bien. D'après le CEO Podcast, Tommy se payait 96 000 $ US par année. Là, puis il y a un autre directeur, en tout cas, lui, il était à 180, man, en tout cas, une affaire de fou. Fait que, tu sais, comme beaucoup d'argent va dans les salaires des gens en haut, et puis dans des prêts, puis du remboursement, puis toute une façon là, de les plus gros actionnaires, dont Tommy, le plus grand actionnaire, je pense à 28%, tu sais, où est-ce qu'ils ont généré un prêt, ils ont pas mis leur argent dans la compagnie, ils ont pris un prêt, puis là, il faut qu'ils remboursent la compagnie, mais là, c'est la nouvelle campagne de sociofinancement qui rembourse la compagnie à la place, ce prêt-là, fait qu'eux autres, tu sais, c'est comme s'ils ont investi là-dedans, mais ils ont pas mis une scène, puis ils s'en sortent grâce au sociofinancement, bref, c'est de ce que je comprends. En tout cas, tout ça est shady, c'est dégueulasse. Et puis, qu'est-ce que je disais, donc? Ouais, c'est ça. Donc, je dis pas qu'il faut pas se payer dans la vie. Surtout, c'est pas quelqu'un, ça, là qui a 19 ans et puis qui se dit « Hey, j'ai une idée, j'ai pas une calice de scène, tu sais. » Mais d'accord, j'ai pas d'argent, mais j'ai de l'énergie, j'ai du temps, puis je vais fonder quelque chose. C'est pas grave si je gratte mon fond de tiroir pendant un an. Tu sais, je vais... J'ai pas besoin de revenus pendant un an, que je vais me payer des peanuts, puis tu sais, on va le lancer, tu sais. Ça, c'est, je veux dire, Tommy, je sais pas quel âge qu'il a, puis ce directeur-là, je sais pas quel âge qu'il a non plus. Hein. Certainement que le directeur doit avoir dans la soixantaine, Tommy doit être dans la cinquantaine. À un moment donné, dans ta vie, t'as des paiements, t'as des hypothèques, t'as des chars, t'as des enfants, des affaires à payer, tu sais. Moi-même, je suis bien placé pour le comprendre. Je peux pas partir demain matin puis dire, va partir un projet, je serai pas payé pendant un an. Puis ça va être mon projet, tu sais, c'est comme, non, tu sais, si je pars un projet, faut que le projet me rapporte un peu quand même de revenus, là, sinon je peux pas subvenir à mes besoins de base de où je suis rendu dans la vie puis faire le projet, tu sais, fait que je comprends ça, tu peux pas être payé, rendu à leur âge puis à leurs affaires, tu sais. Par contre, est-ce que 96 000 par année, c'est trop pour Tommy? Tu sais, Tommy doit en avoir un peu de côté, pareil, là, on s'entend, là, s'il est pas calme. Là. Je pense pas qu'il soit à ce niveau-là. La preuve, il est avec tout le fuck-up qui se passe présentement, il va s'en sortir, apparemment. Fait que Tommy connaît l'argent, tu sais. Fait que s'il avait été vraiment, tu sais, le cœur là-dedans, peut-être qu'effectivement, il aurait pris la moitié de cette paye-là. Dire, écoute, juste un petit revenu là, pendant un an et demi. Puis j'en ai de côté, mais ça va pas trop muser. Puis je suis capable, avec mes intérêts, de mes placements, vivre, whatever. Puis tu sais, je vais me mettre là-dedans, puis on va pas saigner la compagnie. Je sais pas, tu sais, il y a de quoi, là. Tu sais, quand on a parti Retro MTL, tu sais, moi, il fallait que je mette du temps là-dedans. Là. Fait que j'ai baissé le nombre de contrats que je faisais à la pige, tu sais. Fait que j'ai baissé mes revenus, tu sais, pour essayer de faire lever, tu sais, ce magasin-là. Même affaire pour l'arcade, tu sais, c'est pour ça que je faisais tout le temps les deux, tu sais, je pouvais pas abandonner ma carrière pour partir un projet, mais j'avais besoin de revenus quand même, fait que j'en avais moins, mais sur le side, tu sais, je travaillais mes revenus, puis l'autre side, je travaillais sur mes projets, tu sais, et ça pendant des années, et ça explique les cernes que vous voyez ici, vous voyez les beaux cernes là, de ma face, ma belle face cernée, tu sais. C'est ça. Dans la vie, il faut faire plusieurs choses en même temps. T'sais, les enfants, les projets, les carrières. Là. Fait qu'il faut être payé un peu. Fait que dans cet argument-là, je suis plus ou moins d'accord. Il faut que ces gens-là soient payés. À combien, je sais pas. T'sais. Mais faut pas saigner à la compagnie non plus en salaire. T'sais. Fait qu'en tout cas, man, c'est la merde. Et puis, c'est spécial. C'est drôle à voir aller. Moi, j'avais annulé ma précommande de Founders Edition il y a un bon bout de temps. Ça valait... Combien j'avais payé, ça? Je me rappelle plus. Parce que là, ils veulent augmenter le prix de la console encore. Là, ce qui fait que ceux qui ont une Founders Edition de précommander, si jamais vous l'avez, puis qu'elle coûte 300$, je me rappelle plus, ben là, juste la Mico normale, elle va être rendue au-dessus de 400$. Une affaire de fou, là, tu sais. Fait que la Founders Edition, avec tout son kit, c'est comme un petit bon deal comparé au prix retail que la Mico va sortir quand elle va sortir, tu sais. Si elle sort, tu sais. Alors ça, c'est spécial. Cependant, moi, personnellement, si vous avez de l'argent envoyé, si vous avez une précommande puis que vous êtes capable de l'annuler puis revoir votre argent, moi, je ferais ça si j'étais vous. Si vous y tenez pas trop, tu sais. Si ça vous dérange vraiment pas de perdre 300$ parce que, tu sais, si jamais ça marche d'avoir votre machine, tu sais, fine, tu sais, si vous êtes prêt à courir le risque. Mais si ça vous gosse, tu sais, de perdre cet argent-là, ce 300$-là, si vous êtes prêt à le gamble, fine, puis vous pouvez vous permettre, puis ça vous dérange pas, stay the course, on va bien voir qu'est-ce qui se passe, mais si vous voulez pas perdre de l'argent, puis ça vous fait plus chier de perdre de l'argent que de perdre la console, essayez de revoir votre argent dès aujourd'hui, parce que ça ira pas bien, là. D'après moi, d'ici, il va se passer des affaires, là. D'ici l'été, c'est terminé, là, tout ça, là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Là, je sais, j'explique très mal, tu sais, parce que, anyway, je fais juste comme pogner des informations à gauche, à droite, checker ça. Mais, je voulais juste vous dire que la marde est pognée bien plus qu'on pense. Quand on lève la couverte, qu'on regarde en dessous, c'est comme, oh boy. Fait que, voilà, la marde est pognée, Tommy n'est plus CEO, la compagnie n'a plus une scène, et puis, mais tu sais, qu'est-ce qui explique ça? C'est pas compliqué, là. C'était une mauvaise idée, tu sais. Il y a quelqu'un qui a répondu à un de mes posts ou à une de mes réponses sur Facebook dans le CCJVQ, une réponse marketing très intéressante qui dit « Si c'est pour tout le monde, ça veut dire que c'est pour personne. » Fait que là, Nico, c'est comme c'est les familles, c'est tout le monde, mais ça veut dire que ce produit-là, il n'y a pas d'âme. C'est pas, t'sais, ton produit, c'est pour quelqu'un, t'sais, ça prend quelque chose. T'sais. Puis ce produit-là, c'est rien, malheureusement. C'est un téléphone dans une console qui joue des jeux laids que, genre, tout le monde va se tanner après 5 minutes. Puis une machine qui coûte le prix d'une Switch, tu sais. Tu peux pas, il n'y a pas de marché pour ça. C'est une mauvaise idée. C'est pas pour rien que ça va mal depuis le début, là. C'est une crise de mauvaise idée. C'est juste ça. C'est pas toutes les idées qui méritent de vivre, tu sais. Puis là, c'est comme, j'ai comme l'impression que Tommy, comme... Non, je vais le faire, puis c'est moi, puis je vais réussir. Puis, tu sais, des fois, il faut juste lâcher le morceau, parce que, ouais, non, c'est pas une bonne idée, ça, finalement. Avant même de s'empêtrer, là, tu sais. Fait que c'était pas une bonne idée, ça. Et puis, on a tous des plans, et puis, des fois, on a toutes des mauvaises idées, puis, tu sais, c'est comme, ouais, il faut admettre que des fois, non, c'est pas une bonne idée, laisse faire ça, tu sais. Fait que c'est ça. Alors, on verra bien. Je vais juste me racheter une note ici. Voilà. Donc, c'était les nouvelles Intellivision. Cela dit, je continue d'aimer Intellivision, bien sûr. Par contre, j'ai encore comme un élan style ménage de collection, puis je ne finirai jamais mon full set Intellivision en bois parce que les jeux sont pas trouvables. Ça va me coûter 5000$ finir ça, puis j'ai... J'aime mieux avoir un full set Super NES, tu sais. J'aime vraiment mieux avoir un full set NES Super NES Game Boy que genre puncher de l'argent dans l'Intellivision. Puis, tu sais, moi, ça me gosse, tu sais, que ça soit jamais fini. Là, tu sais, je peux même garder mon set Asus, dire bon, mais j'ai une belle collection Intellivision. C'est comme non. J'ai pogné la maladie de full setter les affaires, certaines choses, tu sais. Puis ça, c'est comme quand je me suis dit que j'allais full setter l'Intellivision, je peux plus reculer, tu sais. Je le fais ou je m'en débarrasse. C'est ça qui se passe dans ma tête, puis ça me dérange. Mais je pourrais peut-être aussi, tu sais, me puncher dans la tête moi-même et dire, garde juste genre max une dizaine de jeux, peut-être même 5, tu sais, que c'est comme ça, c'est mes beaux jeux à télévision. Garde-toi une belle console, une Pro Sport, là, trouve-toi une Pro Sport, puis ça va être mon beau petit kit à télévision, puis ça sera ça, tu sais. Puis vends tout le reste. Peut-être que je pourrais faire ça, tu sais. Ça ferait de la place. J'ai besoin de place. J'ai envie de prendre cet argent-là, le mettre dans mon compte épargne de projet que je fais grossir du mieux que je peux à travers cette COVID non payante. Et puis, mon compte projet qui sert à acheter des stadium events, à partir des projets de bière, à ouvrir des bars, à injecter de l'argent. Donc, c'est mon compte projet. Il a mangé une claque à cause du stadium events que j'ai acheté il y a un an et quelques, je me rappelle plus combien de temps ça fait. Mais c'est mon petit compte projet, t'sais, j'ai besoin de ça. Fait que si je vends des chunks de ma collection, si je vends pour 3 000$ dans la télévision, ben ça va aller dans mon compte projet. T'sais, comme ça, ça va pas passer dans le roulement du quotidien. Mais à voir. Je sais pas, ces temps-ci, ça me travaille. T'sais. J'ai tout vendu mon Coleco. J'ai presque tout vendu mon Atari 2600 que je m'en foutais un peu finalement. Puis j'ai pas de problème avec ça. Donc, à suivre. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon, là, la semaine passée, j'ai pas fait d'épisode parce que j'étais à la maison en confinement. Parce que mon plus vieux a eu la COVID, et puis il a testé positif un lundi matin. Alors, les quatre, mon épouse, on n'est pas mariés, j'aime ça l'appeler mon épouse. Mon épouse et mes deux enfants, on est restés à la maison toute la semaine, toute la fin de semaine, et puis lundi de cette semaine, on est retourné à la vie normale. Mais, fait que c'est ça, il fallait qu'on se confine, et puis... il y a juste mon plus vieux qui a eu la COVID, on s'est testé tout le monde lundi matin. Puis on s'est testé tout le monde vendredi matin. Et puis vendredi matin, mon plus vieux était encore positif. Et puis nous trois, on est encore négatif. Fait que voilà. D'après ce que ça dit sur le site du gouvernement, même si t'es encore positif, après 5 jours, tu peux, puis t'as pas de symptômes, ce qui est son cas, ou qu'il y avait des symptômes baissés, tu peux retourner à l'école et puis travailler et tout ça. Fait qu'on était by the book là-dessus. Il n'a pas été magané ni rien, là, tout sautage, là, un petit toussage lundi, mardi, puis lui était bien content. Chez nous, c'est assez grand quand même, fait que depuis qu'on a rénové le sous-sol, s'il y en a qui viennent de se joindre à mon podcast, il y a tout un pan de ma vie que j'ai parlé sur mon podcast, où est-ce que j'étais dans les rénovations, la finition du sous-sol, on a excavé le sous-sol chez nous pour construire, tu sais, ça. Puis on a beaucoup investi là-dedans. Donc, vous pouvez reculer dans mes vieux épisodes. Tu sais, des fois, quand je skip une semaine, vous pouvez aller dans les vieux épisodes et puis checker ça. J'en parle beaucoup parce que je le vivais à ce moment-là. Donc, tout le sous-sol était à lui. Il avait sa salle de bain. On descendait la bouffe, tu sais, tiens, on le nourrissait. Là, comme, il avait plus besoin de faire ses tâches, là, mettre la table, vider le lave-vaisselle. Touche à rien, on va t'amener tes collations, tes affaires. Il mangeait pas à la même table que nous autres, il mangeait ailleurs, il n'avait pas sur le divan à côté de nous autres. Fait qu'on a quand même fait attention, puis on a la chance d'avoir une grande maison, alors on n'était pas collés là, les uns sur les autres. Fait que ça l'a sûrement aidé. Cela dit, tu sais, parlons un peu de COVID, je vais en parler encore. Tu sais, j'étais un peu frondeur là, à mon dernier épisode, puis ça. Mais j'ai pas eu trop de gens, qui m'ont comme poké « fuck you, papa cassette, hostie, liberté, t'es cave ». Fait que ça, c'est bien. Ça arrive juste à la page d'arcade, tu sais, des allumés, man, qui pop, là, puis que vous êtes des nazis, hostie, puis c'est quand même « calme-toi, tabarnak ». Fait que on n'est pas des nazis, mais ouais. Mais tu sais, pour venir au convoi, puis on en parlera très rapidement. Moi, à la base, ce convoi-là, de ce que je comprends, c'était des camionneurs qui n'étaient pas contents parce qu'il fallait qu'ils se fassent vacciner absolument pour traverser la frontière aux États-Unis. Mais là, le président américain dit « faites-vous vacciner, sinon vous ne traversez pas ». Fait que là, ces camionneurs-là sont allés à Ottawa, ils sont encore là présentement, en train de foutre la marde, en disant « là, c'est-tu de liberté ?» Fait que, même si Canada disait oui, États-Unis dit non. Fait que, tu sais, on peut pas résoudre ça. Puis là, ce mouvement-là, on l'a tous vu, c'est devenu une espèce de mouvement passe-partout où est-ce que quiconque est un peu tanné, tu sais, il se garoche dans les camionneurs. Puis là, c'est comme abat les mesures, abat les mesures. C'est comme... Mais moi, je suis d'accord, là. Abat les mesures, là. Immédiatement. Arrêtez. On souffre. Tu sais, comme abolissez toute mesure immédiatement. Si c'est ça que le convoi dit, je suis d'accord avec ça. Pas d'accord avec la façon qu'ils font, nécessairement, de mettre la ville d'Ottawa en otage de même. Ça a bien été à Québec, d'ailleurs. Le premier ministre a comme remercié la police et puis remercié, tu sais, le maire de Québec et tout. Ça a bien été, bravo. Je pense qu'il aurait dû remercier quand même les camionneurs et puis Rambo lui-même, tu sais, parce que là, on a tous vu ça. Rambo s'en va à Québec, les convois, là, comme hostie, man, que c'est ça encore. Mais ils ont manifesté pacifiquement. Puis ils ont klaxonné au bon moment, puis ils ont quitté, puis ça a bien été, puis full coopératif, et puis ils ont passé le message, et puis voilà. Fait que tu sais, il me semble que ça aurait été bien qu'ils remercient comme les camionneurs. Là. En tout cas, il l'a pas fait, je trouve qu'il aurait été une belle opportunité. Cela dit, tu sais, à Ottawa, man, c'est la marde, puis moi ce que je déplore là-dedans, c'est que les commerçants peuvent ouvrir. Mais ils peuvent pas parce qu'il y a des camions partout dans la rue puis la population est prise en otage. Fait que, tu sais, c'est comme, Chris, c'est le bordel. Même si on ouvre, personne va venir. Là, ils klaxonnent à tout bout de champ. Eux autres, ils empêchent les citoyens de dormir la nuit, man. C'est comme, c'est une plaie, là. Ça a plus d'allure. Fait que là, ben, obligé de mettre les mesures d'urgence là-dedans. La police, man. Je serais pas surpris que l'armée débarque si ça finit plus, cette affaire-là. C'est une vraie honte, man. Là, c'est sûr que on voit. Ah, mais on le dit pas, hein, mais des fois, il y a des camionneurs là, qui sont pas tous de même. Il y en a qui disent bonjour. Puis tu sauras qu'ils ont pelleté une rue, hein, puis ils ont donné du café à une personne. C'est comme oui, oui, oui, là, mais tu sais. Puis là, les médias, ils montrent pas ça, tu sais. Non, ils montrent pas ça, tu sais. Les médias montrent tout le temps ce qui chie, tu sais. Puis. Fait que certainement que tous ces camionneurs-là, il y en a une bonne partie, puis j'en connais un qui écoute mon podcast présentement. Salut, Martin. J'espère que tu vas bien dans ton univers de camionneurs, man, qui a de l'air super compliqué. Et puis, ils sont pas tous pour ça. Et puis, ils sont pas tous, tu sais, comme... C'est juste que dans chaque manifestation, camionneurs, étudiants, whatever, il y a tout le temps des gens qui brisent, il y a tout le temps des fanatiques, il y a tout le temps des malades, tu sais, puis c'est eux autres qui scrapent un peu la vibe, et puis à Ottawa, ça semble avoir fait une spirale, fait que bref, man, tu sais, c'est comme ça, là, qui est un peu, c'est colon, moi, je trouve ça gênant, tu sais, fait que pour le message, pour la fin des mesures, oui, pour ce qui est du vaccin, ben là, qu'est-ce que je vous dis, le président américain dit que vous devez l'avoir, fait que, tu sais, j'en ai parlé souvent dans mon podcast, moi, le vaccin, je trouve que c'est une belle invention, ça semble avoir réussi à faire que plusieurs personnes ne se rendent pas à l'hôpital quand ils pognent la COVID, dont un membre de ma famille. Et fait que, dont Chris, il y a des personnes malades là, qui passent à travers la COVID et qui n'en crèvent pas. Là, fait que je pense que les gens pensaient que le vaccin allait faire disparaître la COVID, mais c'est pas le cas. Le vaccin qui empêche que tu sois scrap et que tu te ramasses à l'hôpital. Là, le premier ministre le dit, puis c'est bien ça qui se passe. Le problème au Québec, c'est que notre système de santé est de la marde, t'sais. C'est pas comme le Danemark, c'est pas comme l'Angleterre. On n'est pas capable ici d'avoir assez de lits, apparemment. C'est comme, Christ, mettez des lits dans un centre culturel avec des docteurs, des infirmières. On est à 500 lits, c'est-tu, de mettre le pays en banqueroute, t'sais. C'est comme, calice, man, que c'est ça, t'sais. Ça tient-tu à un fil tant que ça, la nation québécoise, t'sais. C'est à 500 lits, c'est-tu. Tout le monde à la maison, les jeunes en dépression, les business ferment, le monde veut se tuer dans la rue, les camionneurs, tout le monde est en tabarnak. Tu sais, à un moment donné, là, c'est fucking gênant, là, c'est pourri. Puis comment on a fait pour en arriver là, tu sais, que genre le système hospitalier est si mauvais, tu sais. C'est sûr que chaque gouvernement va blâmer le gouvernement d'avant, tu sais, fait que c'est ça, mais en tout cas... Ouais, plus personne va être infirmière. Ben, Chris, augmentez-les, tabarnak, tu sais. Qui gagne plus cher que ben du monde dans la vie, ça va sûrement aider, là, tu sais, ajuster les mesures, là. Qui travaille moins, augmenter les payes, tu sais. Mettez de l'argent dedans, là. Voyons donc, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Faut régler ça. Faut régler ça. C'est un problème. Sais-tu aussi qu'on devrait avoir plus de privés, tu sais, de l'assurance maladie? Est-ce que ça fonctionne bien, ça, là? Tu sais, comme, pourtant, man, on crisse notre argent là-dedans. Moi, je vais jamais chez le docteur, tu sais. Jamais. Puis à chaque fois qu'il faut que j'aille chez le fucking pédiatre, qu'il faut que j'aille chez le fucking dentiste, des lunettes, tu sais, les affaires de base, là, ben c'est moi qui paye de ma poche pour ça, tu sais. Moi, je vais chez le dentiste, ça me coûte des centaines et des centaines. Là, le pédiatre, man, il me dit, le pied. Il me dit que ça me prend une prothèse à 600$. Quand... Moi, faut tout que je paye ça, là, tu sais, comme de ma poche, tu sais. Fait que, faut que j'aille voir un psychologue, je paye pour tout, là, tu sais. Si j'ai une petite grippe, par contre, là, faut que j'aille voir le docteur, là, pour avoir des petites pastilles, là, ben là, là, ça, c'est couvert, ça, tu sais. Fait que, c'est ça. Moi, je trouve aussi de la merde, mais en même temps, bon, je suis pas quelqu'un, heureusement pour moi, semblerait que mon corps tient la route. Je sais qu'il y a des gens qui sont malades pour vrai dans la vie et que ça leur aurait coûté des fortunes d'aller à l'hôpital. Mais il y aurait eu, comme aux États-Unis, des assurances pour ça. Tu sais, aux États-Unis, il n'y a pas ça, là, l'assurance maladie, là, que tout le monde peut aller gratis voir le docteur. Tu sais. Fait que, mais les gens se prennent des assurances personnelles, comme tu assures ton char et ta maison. Fait que, on pourrait-tu faire ça à la place? Tu sais? Puis comme ça, moi, je pourrais me prendre une assurance personnelle, maladie, au level que j'ai de besoin, c'est-à-dire le level que je vais jamais chez le calice de docteur, au lieu que je paye, style. Hein? Tu comprends? Payeur, comment c'est quoi le terme, donc? Payeur utilisateur, tu sais. En tout cas, c'est peut-être ça le problème. Notre argent, ça va à Ottawa aussi. Tiens, Ottawa, prends tout notre argent de santé, puis redonne-nous-en 21%, s'il vous plaît. T'sais. Ah, là, on aimerait avoir, tu sais, comme 32, le pays est en faillite, tout le monde va mal, on a besoin de 500 lits. Puis tu sais, on va donner 32 milliards, s'il te plaît, tu sais. En tout cas, même. C'est ça le problème, là. Mais pour ce qui est des mesures, moi, je pense qu'on est rendu à... Comme le premier ministre dit, vive avec le virus. Là, moi, je viens de passer une semaine à la maison à pas travailler. J'ai travaillé à distance, là, mais à rusher, à, tu sais, comme à pas tant travailler non plus, alors que j'étais très bien. Ma conjointe aussi. Mon plus jeune faisait rien de ses fucking journées. Tu sais, il était heureux quand même, Dieu merci, là, mais il n'a pas d'amis, pas rien. Fucking affaire à distance, école. On était tous corrects. On aurait tous pu y aller, tu sais. Moi, ce que je voudrais, c'est que, genre, enlevez vos masques, là, enlevez tout, le crise de passeport, man, là, encore, là, le bar va réouvrir, je vais en parler tantôt, le passeport est encore là. Enlevez tout ça, tu sais. Allons-y. Attrapons la COVID. Hey, t'as-tu la COVID? Je sais pas, j'étais en contact avec quelqu'un. Fuck les crises de contact. Si jamais tu files pas bien, va-t'en chez vous, attends que ça passe. Les autres, continuez vos vies. Pis that's it, t'sais. That's it, là. C'est comme une grippe, t'sais. C'est comme une gastro. C'est comme, ah, je pense que j'ai la gastro. C'est comme, oh boy, j'étais proche de toi. J'espère que je l'aurai pas. Haha. Ouais, non, je vais aller chez nous, là. Je suis pas bien. OK, bye. Bonne chance. T'sais, c'était ça, la vie avant. Ben, Chris, ça devrait être ça maintenant. On n'a plus besoin d'une mesure tant que ça, là. Puis attraper la COVID, moi, personnellement, ça me stresse pas. J'ai été en contact avec ça. Encore une fois, je répète, il y a des gens que je connais qui l'ont eu une, deux, trois fois. Puis ils ont quand même été corrects, tu sais. Je veux dire, c'est pas si... Tu sais, avant, on toussait un peu. Oh non! Ah, je vais aller me faire tester. Là, t'allais faire le line-up, tu sais, pour te faire tester par les testeurs, là, des places qui testent, tu sais. Quand t'attendais ton résultat, voir s'il fallait que tu restes 14 jours dans ta maison, alors qu'il y avait 3000 cas. Là, on compte même plus les cas. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers. Puis, tu sais... « Oh, on va faire mon petit test rapide. »« Oui, non, OK, go, on y va. » C'est plus rien, là, la COVID à cette heure. Calmez-vous, esti. Fermez. On repart, là. On repart, esti. C'est le temps, là. Fait que moi, je crois... Si les camionneurs disent ça, moi, je dis ça aussi. Il y a trop... On chicane trop, tu sais. Aussi, ça n'a pas de bon sens. Je peux voir quelqu'un, esti, avec sa tuque « Fuck Trudeau », même son drapeau des Patriotes devant un camion en train de faire des fingers à tout le monde. Tu sais, moi, je serais pas d'accord avec ce gars-là. Il sera pas d'accord avec moi. Ça, c'est ce qu'on décide qu'on est. T'sais, on a chacun notre opinion, puis on pourra jamais s'entendre. Mais bon, lui et moi, on a des enfants, on paye nos taxes, on travaille, t'sais, on contribue. Fait que, fine. T'sais, quand tout va bien, t'es pas confronté à ce que tout le monde pense. T'sais. Puis les médias sociaux, c'est un peu ça le problème aussi. Là, t'sais. Fait que certainement qu'il personne, pas tout le monde qui pense pareil, ça crée tellement de fiction. Mais mettons, les médias sociaux n'existent pas, puis tu marches au centre d'achat, puis dans la rue, puis tu vois plein de monde, tu sais pas ce que ces gens-là pensent, puis c'est parfait comme ça, OK? Si tu veux jaser politique, tu jases politique avec des gens pendant un souper, whatever, puis tu discutes, puis c'est parfait, tu sais. Mais là, le problème, c'est que tout le monde parle, puis tu sais, comme moi le premier, puis tout le monde est comme ouais, on fait que tout le monde s'obstine, ça fait boule de neige, puis c'est la merde, tu sais. Fait que y a personne d'intrinsèquement méchant, tu sais. Y a personne qui souhaite, tu sais, du grand malheur aux autres. Puis tu sais, comme des amis disaient à moi, puis c'est bien vrai, on a passé à travers deux référendums au Québec, dont un avec un différentiel de des pinottes, puis il n'y a personne de mort. C'est comme, personne ne s'est attaqué dans la rue, tout ça, c'est quand même incroyable. Là. Fait que je pense qu'au Québec, on est quand même assez pacifique, même si on s'obstine en crise, mais on est émotif, qu'est-ce que tu veux, on est du monde de party. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, c'est ça le problème. Là. On est les anti-vax, les pro-vax, les désinformes, tout. On est tous du monde, puis on travaille tous, puis il n'y a pas de problème, tu sais, normalement. Fait qu'on devrait juste pas savoir ce que les autres pensent, ça irait mieux. Donc, plan de déconfinement. Donc, on peut être bien du monde maintenant dans les maisons, ce qui est parfait. Moi, bien content de ça. À partir de la Saint-Valentin, man, les salles de spectacle, bon, je vais pouvoir commencer à jouer au hockey le mardi. Donc, ça va me faire du bien aussi, j'ai vraiment besoin de faire du sport. Tu sais, les salles de spectacle, toutes, je check pas trop ça, là, je check surtout ce qui me concerne. Le 21 février, le magasin va pouvoir être 100%, donc plus de capacité de 4 seulement, en ce qui me concerne, de la grosseur du magasin, comme plus de line-up dehors. Moi, j'aime pas ça, tu sais, les gens sont respectueux, puis c'est bien correct, puis il n'y a pas de problème, mais tu sais, il y a des gens en magasin aussi qui prennent leur temps, qui magasinent, c'est là, on pose beaucoup de questions, puis là, je vois du monde dehors attendre comme des pingouins, tu sais, il fait fret. J'aime pas ça, tu sais. Oui, bien sûr, il faut dire aux gens en magasin, ben, excusez, mais tu sais, faudrait terminer parce qu'il y a du monde qui attend dehors, tu sais. C'est délicat, puis c'est du gossage. Fait que là, au moins, à partir du 21 février, ben, tout le monde peut rentrer, puis il n'y aura pas de problème. Et puis, le 28 février, ça, c'est intéressant, ça. Ça, le télétravail ne sera plus obligatoire, mais recommandé. Je savais même pas que c'était obligatoire, tu sais. Je pensais que c'est les compagnies qui décidaient, là. J'ai hâte de voir si les centres-villes vont revenir. Je pense que. Ben, c'est très dur à dire. Il y a des gens qui sont comme bien contents d'être à la maison et de travailler de la maison, puis il y en a d'autres qui veulent juste comme sortir, sont écœurés, puis je les comprends. Moi, j'ai travaillé à la maison pendant des années, là, tu sais. Prendre une petite gorgée de café, là. Fait que, d'après moi, ça va être 50-50. Mais certainement que le centre-ville puis les bureaux vont se remplir un peu. J'ai hâte de voir ça. Le centre-ville ne sera pas plein encore. Mais les bars vont réouvrir. Donc, c'est ça, j'en ai parlé un peu. À 50%. Donc, le 28 février, un beau lundi, toi, chose. Il va pouvoir. C'est ça, un lundi? Le 28 février, c'est un lundi. Donc, je ne sais pas si nous, on va ouvrir un lundi. Là, mais en tout cas, à partir d'un lundi, on peut réouvrir. Fait que, mais à demi-capacité, 50%. Mais pas le droit de danser. Ni karaoké. Ah, les restaurants, les bars. Puis on doit fermer à 1h. Et le dernier service sera offert à minuit. Moi, j'avais pas vu ça. Il faudra que j'en parle à notre gérant. Puis à compter du 14 mars, ça, c'est la date là, des Calinours. Là, tout se passe. Tu peux danser, tu peux karaoké. Il n'y a plus de limite. Le Centre Bell vont pouvoir être à 100%. Tout le monde est à 100%. Fait qu'à partir du 14 mars, au Québec, tout ce qui va rester, ça va être les masques. Dans les lieux publics, I guess, puis dans les bureaux, je sais pas trop. Et puis, puis le passeport vaccinal, comme ils l'ont dit à la conférence de presse. Mais masque, hey, moi j'ai hâte, là, sérieux. Les masques, man, c'est que je suis tanné. Mais le passeport aussi, donc je vais parler d'Arcade MTL un peu. Oui, on va tenter de réouvrir. On va peut-être pas réouvrir lundi, tu sais, on va peut-être attendre à vendredi là, ou jeudi, tu sais, quelque chose de même. On va voir. Là, la nouvelle est tombée mardi. Fait que là, on a communiqué avec notre gérante qui, Dieu merci, est encore là. Elle rassemble l'équipe et puis faut qu'on se remette drette. Là. Êtes-vous disponible? Qu'est-ce qu'on fait? Puis on peut-tu ouvrir? On a-tu assez de staff pour ouvrir à 5 heures? Et là, il y en a deux qui sont partis. Il faudrait en engager au moins un. Là, bien sûr, c'est le calvaire de la réouverture qui recommence. Mais au moins, on a une gérante qui va nous aider, tu sais. Mais là, c'est ça. Mais là aussi, on a le bar est approvisionné. Donc, c'est pas comme l'une des X ouvertures, réouvertures qu'on a faites où est-ce que la batte avait même plus de bière. Hey, appelle la batte. Ah, je vais te prendre ça, ça, ça. Ouais, il reste juste de la Michelob Ultra. C'est comme, voyons, calice. Ben, OK, on va prendre ça. D'abord, pas le choix. Fait que ça. Mais là, le bar, d'après un de mes partners, il est plein, c'est bon, on peut partir. Fait qu'il reste juste à rebâtir un horaire. Et puis, on va rentrer les nouvelles machines, on va aller faire un petit tour la fin de semaine du 20, checker tous les écrans. On va allumer toutes les arcades, checker, tu sais, comme retweaker tout ça, s'assurer que tout est clean. Un beau ménage, puis tout, puis on va être bon pour repartir ça cette semaine-là. Ça devrait pas être un problème. Mais ouais, le passeport, man, là, ça suffit, là, tu sais, parce que moi, je suis tanné, là, de me faire attaquer à cause du passeport, tu sais. Tu sais, les gens, ils disent, cette bande, vous encouragez ça, nazi, le go, ta, le passeport, là, puis tout. Comme, moi, là, j'utilise pas mon entreprise pour faire de la politique, tu sais. Mais le gouvernement utilise mon entreprise pour faire que le monde soit pas malade, tu sais, d'une certaine façon. C'est comme, mettez le passeport ou vous avez des amendes. Comme, ben, qu'est-ce que je fasse, Calis? Tu sais, on peut pas se permettre d'avoir des amendes, tu sais, comme, on n'est pas riche, là. Ça fait 2 ans, Chris, qu'on est fermé. Qu'est-ce que je te dise, man? Tu sais, on va le mettre, le passeport, là, puis on courra pas la chance de pogner une amende à 5 000$ ou whatever, je sais pas combien ça coûte. Parce que, tu sais, on se dit, non, fight the power, man. Je m'en calisse, OK? C'est genre, t'ouvres avec un passeport ou on crise des amendes. Ben, on va ouvrir avec le passeport pis ça sera tout, tu sais. C'est pas moi, c'est mon entreprise, là, tu sais, pis c'est ça. Pis si t'es pas content, premièrement, arrête de t'attaquer aux pauvres restaurants pis aux bars, man, qui sont à quatre pattes sur le bord du gouffre, sti. Pis sors dehors, pis va dans les troqueurs, va dans la rue, va au Tim Hortons, sti, à Ottawa, t'obstiner avec le gouvernement, je m'en calisse. Mais laisse-nous tranquille, sti, malade, là, tu sais. Moi, je bannis des gens sur la page Arcade MTL, pas tout le temps, là, mais tu sais, comme un ou deux semaines, on avait un lunatique, man, un malade là, qui nous attaque bien raide là, parce qu'il a perdu la carte et qui dit qu'on est des nazis. Je suis comme, mais voyons, Christ, que c'est ça? Moi, j'aime pas ça, bannir les gens, tu sais. Moi, je gère les médias sociaux de mes affaires depuis 2011, là, ou depuis que Facebook existe, puis j'ai un projet sur Facebook, tu sais. Fait que le bar, tu sais, il y a 28 000 followers, le magasin est rendu à 12, tu sais, puis. Puis, tu sais, je suis comme présent sur Facebook, puis j'ai comme toujours réussi à désamorcer, sauf avec les gens qui sont que c'est impossible, ça, il y en a. J'aime pas bloquer puis bannir du monde, mais là, j'ai comme pas le choix de le faire. Puis, je trouve ça plate, tu sais, je trouve juste ça plate. Je trouve qu'on est une cible qui a aucunement rapport, tu sais, puis oui, on le met, tu sais. Mais, exigez-vous le passeport? Oui. Oui. C'est ça où on a des amendes. Ah, c'est une nazie! Vas-tu payer? As-tu un budget, toi, pour nous aider à payer ces fucking amendes-là, si jamais on les a, pour que tu puisses rentrer, tu sais? Que... Personne va nous aider, nous autres, là, si on devient des patriotes, là, puis qu'on reçoit des amendes, là, tu sais? Fait que, fuck off, man! Mangez de la merde, c'est pas plus compliqué que ça. On va avoir le passeport, et ce sera tout. Quand ils vont dire, bon, OK, c'est plus nécessaire, on va l'enlever, puis tout ça sera oublié. Puis anyway, les gens qui chiolent, ils viendraient pas, de toute façon, tu sais. C'est ça qui se passe là-dedans aussi, là. C'est pas des vrais clients, ça, là. Ah, ben là, je pensais y aller, mais là, vu que vous êtes des nazis, ben là, j'irai pas. Mais reste chez vous, tabarnak. De toute façon, on est à 50% de capacité, parce que c'est exigé. Mais de toute façon, le monde a tellement peur de la COVID que même s'il y avait pas de limite, on serait quand même à 50%, tu sais. OK, à partir de telle date, le gouvernement dit que vous allez être 100%. Ben, all right, mais on ne le sera pas anyway, parce que tout le monde a tellement la chienne que le monde n'y sort pas. T'sais. C'est long, là, défaire là, cette peur-là. Ça va être très long. Fait que nous autres, là, on n'est pas prêts là, d'être hyper rentables. Il faut que le monde arrête d'avoir peur, il faut revenir. Un moment donné, il n'y aura plus de masque. Un moment donné, il n'y aura plus de plexiglas. Il n'y aura plus de passeport. C'est long à défaire, ça, là. Fait que, tu sais, nous autres, on fait juste notre possible. Là, puis... si on réussit à se refaire assez d'argent pour quand on va refermer un moment donné encore, sûrement, pour une xième vague, ben, on aura survécu encore, ça fera 3 ans, Chris, qu'on est en COVID à survivre, puis on a notre 4e anniversaire passé fermé, là, tu sais, parce que là, ça va être 3 anniversaires, je pense, qu'on est fermé. Fait que, c'est ça. Mais on réussit à survivre au travers de ça, malgré tout, parce qu'on a de l'aide, puis l'aide du Québec est crissement pas facile, puis le Québec, c'est trop d'administration. Fait que c'est ça. Crissez-nous patience. Hein? On fait notre possible. Je pense pas qu'on est des méchants. Et puis, je suis comme, wow, tu sais, en même temps, on est comme, on n'est pas mort, tu sais, c'est quand même pas pire. Si on peut comme, juste revenir comme avant, tu sais, un peu, à tout le moins, moi, je vais être bien content. Fait que, hey, je parle rien que de ça. J'ai plein d'autres affaires à parler, man. Je vais être obligé de skipper des sujets très rapidement. Ça fait déjà 40 minutes. Et puis, je pensais pas parler de COVID aussi longtemps que ça, que sous les serres. Je me défoule avec vous autres. Ça me fait du bien, j'imagine. Ça fait déjà 40 minutes de spectacle. À 11h, il y a quelqu'un qui va porter un lot important ici au quartier général. Fait que, faut que je sois prêt. J'ai plein de choses à faire en matin en plus. C'est ça qui est dur aussi avec le podcast. Puis des fois, j'ai Chris, j'y arrive pas. J'arrive ici le matin. Je suis comme, bon, je vais faire mon podcast, mais en même temps, je suis comme, ah, faudrait que je clenche ces affaires-là tout de suite, tu sais. Bon, désolé. OK, fait assez parlé de COVID. Encore une fois, tu sais, je le répète, mes opinions, mes affaires. Si vous n'êtes pas content, écoutez pas mon podcast. Mais je pense que j'étais plus méchant que ça la semaine passée. Puis il n'y a pas eu trop de réactions négatives. Fait que, fine, ben, merci. Vous êtes bien gentil. Vous avez droit à votre opinion. Bowser, la face de Nintendo. Comment il s'appelle? Gary Bowser. Donc, monsieur qui remplaçait notre Reggie qu'on aimait tous. Donc, Gary Bowser s'en va en prison pour 5 ans. Parce que il vendait des consoles piratées qui permettaient des consoles comme qui permettaient du piratage apparemment. Donc là je sais pas si comme il était dans un réseau de Switch piraté genre qui permettait de pirater des affaires. Je comprends pas trop, mais tout ce que je sais c'est qu'il était dans ce stratagème là. Et qui a déjà dit, il a avoué qu'il était coupable, et puis il y a une amende de 4,5 millions et puis à payer, plus 10 millions à Nintendo, et qui s'en va en prison pendant 5 ans. Fait que c'est quand même un tabarnak. c'est drôle pareil, tu sais, c'est le visage de Nintendo of America, et puis là c'est comme un petit trou de cul, c'est wow! Fait que j'ai hâte de voir ça va être qui le prochain visage de Nintendo of America. Parlant d'un nouveau visage, là on s'en va ailleurs. Dominique Ducharme a été congédié hier et remplacé par ex-joueur vedette du Lightning de Tampa Bay, Martin Saint-Louis. Oui, mesdames et messieurs, c'est un petit encore hockey dans mon podcast. Tu sais, moi j'ai essayé d'écouter l'épisode du podcast La Poche Bleue où est-ce que Dominique Ducharme était invité parce que je suis comme, hey, il va un podcast, tu sais, il va parler de son cheminement, puis le Canadien, puis tout ça. Puis je me suis même pas rendu genre au bout où est-ce qu'il pourrait peut-être parler du Canadien parce que ce gars-là, il a de l'air d'un malade mental, il est pas capable de parler, tu sais. Il est comme, il cligne pas des yeux, puis il sait pas parler. Ça me subjugue, ça me rend fou. Je suis pas capable de, ce gars-là, il m'énerve rien qu'à être en conférence de presse, tu sais. J'essaie d'écouter ce gars-là, man. C'est lourd, là. C'est comme, ouais, ah ouais, dis l'affaire. Ah ouais, il parle. Puis il parle pas, pas d'émotion, tu sais. Puis là, c'est clair que ce gars-là est pas capable de rallier ses troupes dans une chambre d'hockey, tu sais. Mais en même temps, il est rendu le coach du Canadien de Montréal. Le gars, il a gagné, là. Il a gagné à Halifax, il a gagné dans la Ligue junior majeure. Il a gagné beaucoup. De là, le fait qu'il a eu le poste, tu sais. Ce gars-là, c'est un winner. Il a trouvé une façon de faire gagner des clubs, tu sais, gagner des championnats dans les ligues mineures ou juniors majeures, tu sais. Fait que de là, le fait qu'il se rend jusqu'au Canadien de Montréal, puis ça, je comprends ça, puis je sais pas comment ce qu'il a fait, vu la personnalité qu'il a, mais il a réussi. Fait que fine. Mais là, man, quand je vois ça, c'est comme... Le Canadien, il fait pas juste comme se battre, sti, mais tu sais, perdre par deux ou par un, mais des beaux combats, puis des fois, ils vont réussir à en tirer une, tu sais, puis à en gagner une. Non, le Canadien se fait détruire match après match après match. Jeff Petrie est même plus l'ombre de ce qu'il était. C'est une vraie honte. Nos jeunes, sti, Caulfield et Suzuki, je suis surpris qu'ils ne soient pas encore pendus. Tu sais, c'est la débandade, là, tu sais. Fait que, man, il est clairement pas capable de rallier ses joueurs, ce gars-là. Fait que, est-ce que Martin Saint-Louis va réussir? On verra. Là, il est nommé par intérim. Fait que par intérim, ça veut dire non officiel, on verra bien. d'ici la fin de la saison. En même temps, le gars, il n'a aucune expérience de coach d'équipe professionnelle. Je pense qu'il était dépisteur pour les Blue Jackets pendant un petit bout, tu sais. Mais en même temps, Martin Saint-Louis est un joueur fougueux, est un joueur qui n'a pas été repêché, qui a fait son chemin jusque dans la NHL à être une superstar sur Team Canada et à gagner des médailles, à être au match étoile et à gagner la Coupe Stanley et à être prolifique en crise. Fait que je pense que c'est un gars très respectable. Les joueurs ont fait « OK, ça c'est un joueur respectable, puis il a du caractère. » Fait que ça, je pense que c'est du « win ». Mais pour le reste, en même temps, il n'a jamais coaché. On verra bien, il faudrait qu'il apprenne avec ça. Là, j'ai lu un matin une rumeur qui voudrait peut-être aussi ramener Vincent Lecavalier. Est-ce que le Canadien est en train de faire genre Martin Saint-Louis, head coach, Vincent Lecavalier avec? Alex Burrows, es-tu encore là? Je me suis même pas renseigné. Fait que j'ai hâte de voir. Mais il y a des affaires qui se passent. T'sais. Nouveau GM que je connaissais pas trop, que je connais pas trop. Anyway, Chantal Maccabé... au marketing, on est content, fait que on verra bien. Mais en tout cas, il se passe des affaires. Je suis content, moi, je suis juste content que Dominique Ducharme soit parti. Clairement, ça marchait pas. T'sais. Puis je trouve ça dommage parce que quand je l'ai vu arriver, comme j'y croyais. T'sais. Là, vous allez dire, ouais, il s'est rendu en finale à la Coupe Stanley. C'est comme, ouais, mais le train, il était déjà pas mal engagé. Là, le club avait des beaux leaders. T'sais. Perry, man. Price, Weber, tu sais, Gallagher était, tiens, bien, là, Gallagher, il dit plus rien, là, qu'est-ce qui se passe avec ça, là, tu sais, l'équipe était soudée, là, tu sais, mais là, il y a plus rien qui tient, tu sais, puis il a fait la démonstration qu'il n'était pas capable de remettre ça ensemble, fait que, voilà. C'était mon bout hockey. D'ailleurs, je préfère Ice Hockey à Blades of Steel parce que je trouve ça vraiment plus arcade en passant. Là, Blades of Steel, je comprends même pas qu'il y ait comme un culte autour de ce jeu-là. C'est pas vraiment bon. Ice Hockey, c'est tellement plaisant. Ma recette, c'est 3 gros parce que les gros, en pitonnant, ils peuvent aller vite. Fait qu'ils vont aussi vite que les autres, anyway. Et puis, tu peux pas, ils sont forts, ils plaquent tout le monde. Puis, ils ont une petite slap shot. Fait que moi, je slap shot de loin tout le temps. Et j'ai appris ça par des professionnels. Un petit. Pour gagner les face-offs, parce que les petits, ils gagnent les face-offs presque tout le temps. Alors, le petit au face-off, les 3 gros, t'es good pour gagner ta game de SHK. Fallait que je mette jeu vidéo dans cet encore. Nouvelle encore, j'ai vu ça ce matin. Snoop Dogg a acheté Death Row Records. Donc, pour ceux qui écoutaient du rap dans les années 90, Death Row Records a été fondée, c'est une compagnie de disques, fondée par Dr. Dre. Et Suge Knight, qui est un hostile malade, finalement, qui s'est ramassé en prison et tout, était le CEO qui s'occupait de ça. Puis Dre, tu sais, il y a comme The Dark Pound, Tupac, Snoop, bien sûr. Tu sais, Dre, il a découvert Snoop, Snoop, ses albums sur Death Row. The Dark Pound aussi, c'était big. Warren G était pas là-dedans encore. Fait que, tu sais, Death Row Records, ils ont été sa map en hostie avec, puis Tupac, bien sûr, tu sais, avec tout ça. Ça a été, Chris, c'était un label huge, là, dans le temps. C'est comme, wow, tu sais, Death Row, c'était de shit. Puis là, à un moment donné, Dre est comme, ça, c'est dégueulasse ici chez Death Row, là, tu sais, sur le net, il perd la carte, il se bosse, tu sais, c'est gangster. C'est trop gangster. C'est du gangster rap, mais c'est devenu gangster pour vrai. C'est comme, hey, on va se faire gonner, sti, là. Dre est parti, tu sais, comme, Dre, moi, je fais entertainment, là. Oui, je fais du gangster rap, mais je suis gangster pas dans la vie, tu sais. Fait que Dre est parti, Snoop va continuer, Tupac s'est fait shotter, puis blablabla, tout ça est parti en couille, et puis Death Row est devenu une vraie farce. Fait que Snoop est parti chez No Limit Records. Est-ce que c'était mauvais? Est-ce que j'haïs No Limit Records? On parle de rap, là. Ben, moi, j'écoutais des tonnes de West Coast gangster rap à cette époque-là. Puis No Limit, man. Ah, c'est mauvais, c'est laid, c'est une vraie honte. Puis l'album de Snoop. The game is to be sold, not to be told. Ah non, c'est dessus. Ah non, c'est dessus. Ah man. Comment il s'appelait là? Snoop World, je pense. En tout cas, je m'en rappelle plus. C'était pourri. Fait que c'est ça. Fait que Death Row, c'est mort. C'est mort. Puis là, comme. Ça a fait faillite. Ça a été racheté par des gens. Puis ça a passé à plusieurs mains. Plus de. Des gens qui ont ça. Comme, tu peux racheter des faillites si tu veux. Puis ça avait été acheté à 18 millions dans ce temps-là. Fait que Snoop Knight est en prison encore, tu sais, lui, il est complètement plus là. Fait que Snoop, il vient de racheter ça, là, le 9, là. Ben, l'article est sorti le 9, bien sûr, hier. Donc, ça a travaillé pendant un bout avant que ça se conclue. Mais là, il a annoncé la conclusion de ça. Mais là, je suis comme, waouh, c'est dommage cool, tu sais. Snoop, il va reprendre Death Row Records. ça sera plus une farce. Il va sûrement retravailler le brand. Sûrement que le logo avec le bonhomme sur la chaise électrique, il va le garder. Il va le redessiner propre, tu sais. Puis il va faire des tunes avec Dre là-dessus. Puis il va sûrement caler Warren G. Puis tout le bon, la crème de, dans le temps. Fait que, mais ça sera plus gangster, ça va être entertainment. Puis ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, c'était mon petit encore Snoop et Death Row Records. Et pour mettre un peu de jeux vidéo là-dedans, Dr. Dre a sorti un EP dernièrement de Grand Theft Auto. C'est disponible sur Spotify, donc allez voir ça, une couple de tracks, là, featuring Eminem, featuring Busta Rhymes et tout et tout. Fait que c'est bien cool, man. Là, je suis hyper caféiné présentement. Alors, pour terminer, on va finir en jeu vidéo et je vais parler du Nintendo Direct qui a passé hier. Je vais passer au travail. J'ai fait une liste, là. C'est pas nécessairement dans le bon ordre là, qui a passé dans le Nintendo Direct, mais je vais dire ce que j'ai à dire sur chacun de ces jeux et annonces-là. Et je les couvre pas tous parce qu'il y a des affaires là-dedans que m'en fous un peu. Nintendo Switch Sports. Donc, c'est comme un peu la suite ou la réimagination de Wii Sport, mesdames et messieurs, qui a été un succès incroyable pour la Wii dans le temps. Avec raison, c'était très nice, tu sais. Tout le monde ici a joué au key, là, au bout, et puis le tennis, le baseball, c'est super bien fait, c'est vraiment le fun. Et puis c'est un bel héritage de la Wii. Ben là, ça va être disponible sur Switch. Donc tu prends ton Joy-Con, man, puis tu refais les affaires. Donc c'est plus beau, puis tout ça, puis rajoute des affaires. Donc je trouve que c'est une très belle idée. Ça va se vendre, bien certain, on en vend plein. Donc, m'a pogné une copie pour les kids, qui mes kids, qui des fois, entre amis, jouent encore à 1-2 Switch. Donc, c'est nice. Belle idée, bien sûr. Kirby Forgotten Land, on a tous hâte que ça sorte, ça, la première aventure 3D de Kirby, je pense, du moins sur console. Y a-tu des jeux portables de Kirby? Il y en a tellement, man. Il y a tellement de jeux de Kirby, hein, quand tu y penses. Full seté, le Kirby, dans la série complète, toute console confondue. Mettons, pas les jeux, mettons Smash, ça compte pas, même si Kirby est dedans, mais juste les jeux de Kirby. Je trouve que c'est une belle série à faire pour les amateurs de ce petit bonhomme rose que j'aime beaucoup. Donc, dans le fond, le nouveau truc dans ce jeu-là, c'est que Kirby peut avaler des très grosses affaires, comme un char. Puis là, il devient un char, tu sais. Fait que là, il peut rouler, là. Ou il peut... qu'est-ce qu'il a fait, donc? Il absorbait, j'ai vu ça dans le trailer, là, une machine à liqueur. Puis là, il devient un distributeur de machines à liqueur. Mais là, il crache des liqueurs, tu sais. Ça, c'est nice. Il absorbe un gros cône, il peut être un cône, tu sais. Donc, t'absorbes des grosses affaires, puis tu deviens ces grosses affaires-là. Donc, c'est ça, là, la nouvelle patente là-dedans. Puis, je trouve ça bien cool, puis j'ai bien hâte que ça sorte. Je pense pas que je vais jouer tant que ça, mais parce que les jeux de Kirby, c'est comme les jeux de Mario. Je les commence toutes, puis je les finis jamais. Mais c'est tout très beau, très le fun, puis c'est bien certain, je l'ai vu dans ma collection. Mais mon plus jeune a bien hâte. J'ai hâte de voir s'il va se rendre jusqu'au bout. À suivre. Mario Strikers Battle League. J'ai jamais joué à un jeu de Mario Strikers, personnellement. C'est une belle série. Et puis, ça va être populaire ici en magasin, bien sûr. Puis, ça va être surtout populaire en tournoi chez Arcade MTL. Donc, moi qui veux relancer les tournois un peu, là, ça, c'est en plein des bons jeux pour ça. Là. Ça va être parfait. Fait que je vais essayer de voir avec Nintendo of Canada. Si on serait pas capable d'avoir un petit jeu, un petit code, quelque chose, ça serait nice. Donc voilà. Splatoon 3. Disney. J'ai rien à dire sur Splatoon 3. Good. Amusez-vous, fans de Splatoon. Belle série. Je sais pas, je l'avais déjà dit dans un de mes podcasts par contre, mais je me suis comme rendu compte très tard que Splatoon est un jeu de mots entre splat, tu sais, comme une flop. Une tâche, tu sais, comme un dégât, tu répands, t'échappes quelque chose à terre, ça fait une flaque. Puis platoon, un peloton, tu sais, comme à la guerre, le peloton, fait que c'est splatoon, tu sais, c'est comme, hey, wow, quel bon jeu de mots, tu sais, bravo. Alors j'aime Splatoon pour ça. Non, mais je trouve que c'est une belle série Nintendo, moi je joue pas à ça, tu sais, mais je suis content que ça existe, je trouve ça nice. Disney Speedstorm, donc un autre jeu de karting, mais là avec les personnages de Disney. Donc, tu peux être une souris miquette, Mickey Mouse, une souris miquette. C'est comme un terme. Mes parents, ils disent ça. Je sais pas si c'est une expression de Thetford, ça. Ou de boomer, tu sais, mais une souris miquette, man. Fait que Mickey Mouse, Donald, le Jack Sparrow, tu sais, tous des personnages là, qui me font capoter. Non, je m'en fous de ce jeu là, sérieux. Curieux de voir si ça va marcher. Pas certain. Chrono Cross, le remake de. Ben, c'est le même jeu, mais ils ont ajusté des trucs dedans. J'ai jamais joué à Chrono Cross. Certainement que les gens sont bien excités de ça. Beaucoup d'RPG hein, dans ce Nintendo Direct-là. Donc, s'il y a des copies physiques de ça, on va s'en prendre certainement une coupelle. Tant mieux si vous aimez Chrono Cross. T'sais, good. C'est tout le temps plaisant pour les fans d'une série d'avoir des choses. Même affaire pour Kingdom Hearts Collection, qui semble avoir 3 jeux de Kingdom Hearts. Là, en tant que propriétaire d'un magasin de jeux vidéo qui vend du rétro, je peux vous dire que des Kingdom Hearts, il y en a en maupette. C'est comme les Yu-Gi-Oh! T'sais. À un moment donné, man, il y en a ben trop, là. On a reçu Kingdom Hearts 1.5 HD Ultimate Remix. Ah, tabarnak, man. On est-tu mieux de brûler la compagnie, là, puis s'en aller, là? C'est trop compliqué, ça, là. Moi, on casse la tête avec les fucking Kingdom Hearts. Puis on en reçoit, on a, tu au PS2, il y en a. C'est comme une série, je suis comme, ah, pas encore un os, tu sais, Kingdom Hearts, tu sais. Bon, c'est lequel, là, au 3DS, là, qui est un remake de whatever. Fait que, fan de Kingdom Hearts, vous serez servi avec ça. Klonoa, comme, je voulais me renseigner, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est le 1 et le 2 qui vont être un genre de remaster aussi, qui vont venir. J'ai hâte de voir s'il y avoir des copies physiques de ça. Ça serait nice, Klonoa 1 et 2 Collection. Klonoa Collection sur Switch, tu sais, en copie physique. Je pense pas, mais c'est un 3D platformer ça, qui mérite d'être connu, je crois. Et on avait ça au PS1, je sais pas si on l'a encore d'ailleurs. C'est un jeu, man, qui vaut super cher au PS1 présentement. Tous les jeux de Klonoa ont vraiment augmenté. Même celui de Wii, là, tu sais, c'est pas dans les. C'est pas plusieurs centaines de dollars là, comme sur PS1. Mais le Wii a augmenté énormément aussi. Fait que Klonoa, man, ça vaut cher, là. C'est un prix. Ça, c'est On the Rise, là. Game Boy Advance, tout. Là, j'ai pas suivi la série. Je sais pas si c'est le 1 qui est repris sur la Wii, sur le Game Boy Advance, sur le PS1. J'en ai aucune idée. Il y en a au PS2 aussi. Il y a quand même pas mal de Klonoa. Mais c'est définitivement une série que le prix monte là, en fou. Fait que tant mieux. Si vous aimez cette série-là, dépêchez-vous. Achetez les originaux si vous les voulez parce que le prix monte, ça n'a pas d'allure. Un autre RPG que je ne connaissais pas qui était sorti juste au Japon, Live Alive. Live Alive. Ça ne dit rien, j'en ai aucune idée. Ça a l'air nice. Amateur de RPG, vous serez servi avec ça. Il y a un nouveau jeu Taiko Drum. M'en fous, je voulais juste le mentionner. Taiko Drum, c'est quand même populaire, ça, apparemment. Il y a un update de Cuphead, Miss Chalice. Donc, Miss Calice, comme on dit. C'est un nouveau personnage qu'on va pouvoir jouer. Donc, c'est comme une petite coupe, là, comme une petite tasse à thé. Là. Elle est bien belle, elle est bien cute. Donc, nouveau personnage. Toujours pas de nouvelles d'une sortie physique de Cuphead sur Switch. Il y en avait été question il y a très longtemps. Donc, moi, j'ai téléchargé ça et joué à ça et adoré Cuphead, bien sûr. Donc, mais une copie physique avec Miss Calice dedans, ça serait quand même le fun. Alors, mais pas de nouvelles. Fait que, parlant de téléchargement, Metroid Dread a des nouveaux modes. Il y a un Dread mode où est-ce que tu te fais toucher une fois et que tu meurs. Il y a un Rookie mode où est-ce que je pense qu'il te redonne la life plus facilement, ou plus, en tout cas. Ce qui est drôle, c'est que ça vient comme combler. Il y a des gens qui disent que Metroid Dread, ceux qui jouent pas tant que ça aux jeux vidéo, trouvent Metroid Dread vraiment dur. T'sais, surtout les bouts avec les robots qui te tuent one shot, là, qu'il faut que tu sois sneaky. Là, t'sais. Comme, ah, c'est tough ces bouts-là. Moi, j'ai pas trouvé ça vraiment tough. T'sais. Comme, oui, il y en a une couple que j'ai gossé, là, mais zéro pour me décourager, tu sais, passer au travers ça, moi, comme dans une livre de beurre, là, Metroid Dread, là, tu sais. Puis le Rookie Mode, je suis comme, hey, là, ça va être pourri, ça, c'est même trop facile, tu mourras jamais, tu sais. Fait que, tu sais, ça aide à rendre Metroid Dread accessible à tout le monde, tu sais. Trouve ça trop facile, Dread Mode. C'est comme, t'as pas embarqué, c'est trop dur, Rookie Mode, man. Fait que, c'est bien. Mais moi, j'ai fini Metroid Dread comme plusieurs d'entre vous, j'en suis convaincu. Puis tu sais, je rejouerai probablement jamais à ça de ma vie parce que j'ai tellement de jeux à jouer. Fait que voilà. Il y a aussi un boss rush mode. Ça, c'est intéressant, pareil, pour apprendre les patterns. Fait que c'est pas pire. Annonce intéressante pour le online, Earthbound et Earthbound Beginnings. Donc Earthbound au Super NES et Earthbound Beginnings qui est... j'ai cherché sur internet puis ça semble vraiment être ça, Mother, qui est le premier jeu de Earthbound. Donc Mother au Famicom, c'est le premier. Earthbound au Super NES, c'est Mother 2, tu sais, au Japon. Puis il y a un Mother 3, je sais même pas sur quelle plateforme. Probablement au Super Famicom, I guess, j'en ai aucune idée. Mais ça, on l'a pas eu ici. Tout ce qu'on a eu ici en Amérique, c'est Earthbound au Super NES, donc Mother 2, le deuxième de la série. Fait que là, ces jeux-là vont être disponibles en ligne. Il va y avoir le 1 et le 2. Le 3, non. Je sais pas pourquoi. Mais copie physique, encore une fois, ça serait nice. Earthbound, tu sais, comme 1, 2, 3, ça serait joli. Mais si vous voulez jouer à Mother, le premier Earthbound du Famicom, ben, ça va être disponible en ligne et puis ça va être traduit certainement. Et puis ça semble très bien fait. Je me dis toujours qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse Earthbound. Ça doit pas être là, si long que ça, une quarantaine d'heures, j'en ai aucune idée. Mais c'est définitivement un jeu que j'aimerais faire. T'sais, à la retraite, lorsque j'aurai du temps, whatever, c'est quelque chose qui me tente. Je trouve que ça a l'air très intéressant. Donc voilà. Aussi, on a un modder au Famicom ici chez RetroMTL dans un de nos bacs. Là. On va peut-être le mettre en ligne demain pour célébrer ça. D'ailleurs, pour célébrer ça, on va sortir tous nos Chrono Cross, tous nos Clone War, tous nos Earthbound, puis on va pitcher ça. Alors achetez-les si vous les voulez. Je sais même pas si on en a encore beaucoup, mais je sais qu'on a un modder. Et pour finir, Xenoblade Chronicles 3, je connais rien à ça, bien sûr. Je me rappelle du temps où est-ce que Xenoblade Chronicles est sorti sur Wii et puis que c'était un EB Games exclusif, c'était juste disponible là. Hey, le monde, man, ils sont allés chez EB Games, là, les acheter puis les revendre, puis là, c'était la folie, man. Puis ce jeu-là était une affaire rare, là, tu sais. Puis moi, j'ai comme, oh, je le veux dans ma collection, je jouerai jamais à ça, mais tu sais, c'est un jeu Wii, c'est nice, tu sais. À cette heure, on en voit passer tout le temps, là, dans le use, là, tu sais, comme ça roule, là, les Xenoblade Chronicles, fait que c'est vraiment pas un problème. Tu sais, pareil pour les Mario 3D All-Stars sur Switch, pareil pour Mario All-Stars sur Wii, tu sais, le collector, là, je sais pas quoi. C'est toutes des affaires, ça, qui allaient arrêter d'en faire, whatever, c'était rare. Mais tu sais, c'est pas rare, là, tu sais, ils en font tellement, ils en print tellement qu'ils subviennent à la demande, et puis le monde les revend, puis ça roule, puis il y en a dans le marché, fait que ça faut pas s'inquiéter avec ça. Fait que c'était une autre époque. Fait que, ouais, si vous aimez encore une fois les RPG, Xenoblade Chronicles 3, man, et puis tant mieux pour vous, c'est pour vous. C'est pour vous. Puis, il y a eu plein d'autres affaires de RPG, même Fire Emblem, man. Hein? Fire Emblem, quelle série? Je connais pas ça, mais... Man, Nintendo me garoche du Fire Emblem. Je suis comme, OK. Smash, Fire Emblem, tous des bonhommes avec des épées, tout pareil, tu sais. Mais, ah ouais, mais ce bonhomme-là, ils sont tous fucking pareils. Mais c'est Fire Emblem, man, puis c'est ça. Donc, grosse série Fire Emblem. Je connais rien à ça. Mais il y en a en tabarnache. Fait que si vous êtes fan de ça, ben vous êtes servi encore une fois. Fait que c'est pas un Nintendo Direct, moi, qui, personnellement. Il y a rien pour moi là-dedans. Là. Kirby, je savais que ça s'en venait. Nintendo Switch Sports, comme, yeah, cool, tu sais, les enfants. Mais il y a absolument rien pour moi là-dedans. Là. Fait que pis c'est bien correct, ça peut pas être toujours des grosses affaires. Quoi d'autre, là, par contre? Attends, on a-tu des affaires excitantes du côté Limited Run qui s'en vient? Fuck, man, il me semble que oui. D'ailleurs, on a reçu des emails de notre fournisseur que je vais aller voir à l'instant. Megaman de Wily Wars, on va en recommander. Huntdown, on en recommande. Non. Voyons, il me semble qu'il y a des choses qu'on est excité de. Je me rappelle plus. Il y a trop de jeux, man. Bon, hey, ça fait une heure. Ça fait 1h05. C'est une bonne longueur, ça. Donc, voilà, ça va clore l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tout le monde est satisfait de cet épisode. Tout le monde va... Les gens vont sûrement être contents. Je sais que j'ai des auditeurs qui aiment ça quand je m'emporte, alors je me suis emporté aujourd'hui. Ça met de l'action. C'est bien le fun. C'est bien le fun. C'est bien le fun pour vous. J'aimerais écouter moi aussi. Je vais être comme... Il me semble que je suis un peu raide. Mais bon, c'est dans le vent, puis c'est tout, puis c'est ça. Rétro Nouveau, pas de nouvelles encore pour ça. On aimerait être capable de le faire en personne, sans masque. Fait que d'après moi, en mars, là, on devrait être vers la fin mars, on devrait se sentir safe de ça. Moi, je vais être busy avec l'arcade aussi à relancer ça. C'est la relâche qui s'en vient. On s'en va en chalet. Fait que je vais être out pendant un bout. Donc, bien des choses à gérer, bien des choses à faire. Mais anyway, si vous êtes curieux de voir qu'est-ce qui se passe avec l'arcade, vous voulez venir, tout ça, surveillez la page Facebook. Je vais faire des annonces, peut-être faire relancer un événement. Fait que ça s'en vient, on n'est juste pas prêt tout de suite. Pas prêt non plus à faire des événements privés, ou du moins à l'annoncer at large. Là. On va en avoir un petit là, qui s'en vient, puis j'ai bien hâte de voir du monde que je connais. Mais sinon, ça va être annoncé. Retro MTL, ben, service de réparation est relancé, vous avez vu. Cependant, le mois de février est booké au complet. On va réannoncer d'autres plages là, en mars. Donc, je suis désolé si vous aviez vraiment hâte de nous envoyer votre console. Mais c'est juste que là, il faut limiter le nombre de consoles par semaine parce que sinon, on va être enterré. Puis, on veut pas avoir 40 consoles là, qui dorment en magasin. Puis, quand il est comme go, go, go, on veut filtrer puis y aller à un rythme correct. Sinon, ça ne vous rendra pas service non plus qu'on soit enterré puis que votre console dorme chez nous pendant 2 mois. Là, fait que, hein, on veut vraiment un entonnoir puis bien filtrer ça. Mais allez sur notre site web, section réparation. Dans la section à propos, vous allez avoir toutes les informations de comment on fonctionne. C'est très simple. Vous allez sur le site web, vous réservez une case horaire et puis vous rentrez vos informations. Et puis, le problème de vos consoles, vous lisez le contrat de service, vous cochez « j'accepte » et puis vous nous envoyez ça. Et puis ça réserve une slot où est-ce que vous venez déposer votre console la semaine suivante. Lorsque vous venez déposer votre console, vous payez le diagnostic et puis on garde votre machine, on fait le diagnostic, on vous téléphone pour dire qu'est-ce qui se passe, vous acceptez, oui, non, et on va de l'avant et on règle ça. Donc c'est de même que ça marche. Quoi d'autre? Ben, rien, là. C'est pas mal ça. Donc, voilà. Bon, j'ai mal à la tête. Trop de caféine, pas assez d'eau. Faut que je vais me prendre une petite pâte d'ours. J'ai des enfants, donc j'ai encore des pâtes d'ours dans le garde-manger. Je vais prendre ça. Bon, hey, allez en paix, tout le monde. Soyez heureux. Et puis, on se revoit peut-être la semaine prochaine. Bye!